Pour dire vraiment en chinois, on emploie 真的, 真的, 真, pousse vers gaucher, 的, fermer le point, 真的, pour dire vraiment. Alors ça ressemble un peu à l'expression française, cela te gêne de, dites très rapidement. Et maintenant, pour poser une question, si quelqu'un vous demande vraiment, sous la forme d'une question, il dira 真的吗? 真的吗? Et alors, vous pouvez répondre vraiment, qui se dit 真的. J'ai invité mon père à dîner cette semaine, mais il hésitait tellement que j'ai fini par lui demander vraiment, cela te gêne de me rendre visite? Alors maintenant, dites-moi, je voudrais vraiment voir ton ami. Je. 我 vraiment 真的 vouloir, avoir envie de 想 voir ton ami voir comme dans le je te verrai demain oui, c'est ça, oui. 见你的朋友 comment dites-vous voir ou rencontrer quelqu'un 见 on dit 见 Et comment dites-vous tu? Ni. Ni, c'est ça. Je voudrais vraiment voir ton ami. 我真的想见你的朋友. Et vous allez répondre vraiment? 真的吗? Comment dites-vous vraiment? 真的吗? C'est ça. 真的吗? Bien sûr, il y a un tas d'engins. Comment dites-vous bien sûr? Tang ran. Bien sûr. Tang ran. Maintenant, dites-moi, qui c'est là? Et en chinois, on dira littéralement, celui-là est qui? Na shi shi. Qui c'est là? Na shi shi. Et après vous avoir fait attendre si longtemps, vous allez enfin apprendre ce cher mot que vous reconnaîtrez à partir du français, le mot pour dire maman. Maman. Ma. Pousse vers gaucher. Ma. Point fermé. Maman. Pour dire maman. Alors c'est merveilleux ça, qu'en Chine et en France et partout ailleurs, les enfants utilisent exactement le même mot pour exprimer la même idée. Alors, à vous de dire maman. Maman. Traduisez, c'est ma maman. Littéralement, on dira, celle-là est ma maman. 那是我的妈妈. C'est ma maman. 那是我的妈妈. Dites, vraiment? Elle dit qu'elle est ton professeur. Vraiment? Alors revenons en arrière juste un instant. Comment dites-vous vraiment dans le cas d'une question? Eh bien maintenant, vous êtes très surpris d'apprendre que cela gêne votre père de vous rendre visite demain. Donc, comment le dites-vous? Elle dit qu'elle est ton professeur, littéralement. Elle dit elle est ton professeur. Commençons par elle dit. Ta shuo. Elle est ton professeur. Ta shi ni de lao shi. Vraiment? Elle dit qu'elle est ton professeur. Zhen de ma. Ta shuo. Ta shi. Maintenant, nous allons traduire « C'est ma mère et aussi mon professeur » et on va omettre le « et ». Donc, vous direz d'abord « C'est ma maman, elle est ma mère. » « 她是我的妈妈. » « Elle aussi est » Ta 也是 mon professeur. 我的老师 Comment dites-vous je? 我 Oui, 我 Et comment dites-vous ma ou mon? 我的 C'est ma mère et c'est aussi mon professeur. 她是我的妈妈她也是我的老师 Alors cette fois encore, vous remarquerez qu'on supprime le « et » du français. Il est omis entre deux phrases ou deux morceaux de phrases. Il faut faire deux phrases séparées en chinois, c'est-à-dire deux phrases courtes. Donc littéralement, on dira « Elle est ma mère, elle est aussi mon professeur. » Ou en chinois « Elle aussi est ». Oui, on peut aussi dire ça. Mais l'ordre des mots en chinois est « Elle aussi est ». Oui, exactement, c'est ça. Donc comme ça, j'arrive mieux à me souvenir comment il faut le dire. Dites-moi, je voudrais voir mon professeur. Voir dans le sens de rencontrer. Alors dites d'abord, je voudrais, j'ai envie de... 我想 Voir ou rencontrer. 见 Mon professeur. 我的老师 Je voudrais voir mon professeur. 我想见我的老师 Vraiment? 真的吗? Vraiment? 真的吗? Qui est-elle? 她是谁? Qui est-elle? 她是谁? C'est ma mère. Alors dites d'abord, elle est... 她是... Ma maman. 我的妈妈。 C'est ma mère. 她是我的妈妈。